Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, supplément. Gaumet du Pré 1862. Question 43. Des fiançailles. Définition des fiançailles. De l'âge requis. Comment elles sont dirimées? 1. Les fiançailles sont-elles la promesse d'un mariage futur? La promesse de se marier un jour ne constitue pas le mariage, elle retient le nom de fiançailles, sponsalia, du verbe spondere, promettre. La promesse est absolue ou conditionnelle, elle est absolue de quatre manières, par une simple parole, par les arts que l'on se donne au moyen d'argent ou de tout autre objet, par la présentation d'un anneau, ou enfin par le serment qui peut intervenir. Une telle promesse est obligatoire. La promesse faite sous une condition compatible avec les fins du mariage est pareillement obligatoire pour la conscience, la condition remplie. Note. L'Église ne contraint pas, au fort contentieux, les fiancés de s'épouser. Les alliances forcées ont ordinairement des suites fâcheuses. Elle veut que le mariage soit libre. La parole donnée n'en est pas moins obligatoire, dans le fort intérieur, pour la personne qui n'a pas une raison légitime de la reprendre. Fin de la note. 2. L'âge de 7 ans est-il raisonnablement exigé pour les fiançailles? Le droit canon exige avec raison l'âge de 7 ans pour le contrat des fiançailles. Incapable jusque-là de faire aucune promesse pour l'avenir, l'enfant peut alors prendre un engagement à l'égard des choses auxquelles la raison naturelle l'incline. Note. Les curés et les confesseurs doivent détourner de toute promesse et même de toute pensée de mariage les enfants qu'ils dirigent. Ce que dit ici saint Thomas concerne seulement la validité des fiançailles. Fin de la note. 3. Les fiançailles peuvent-elles être rompues? Les fiançailles sont rompues par l'entrée en religion et par le mariage contracté avec une autre personne. Dans les autres cas, il est nécessaire de recourir à l'Église, qui en peut prononcer la résiliation pour cause d'infirmité grave, d'absence prolongée, ou d'affinité provenant de quelque crime. Note. Ces décisions concernent les fiançailles célébrées à l'Église. Question 44. De la définition du mariage. Le mariage est une union, qui a reçu différents noms. Sa définition. 1. Le mariage est-il une union? Il est écrit, ils seront deux dans une seule chair. Genèse 2, 24. Donc le mariage est du genre de l'union. Puisque le mariage associe deux personnes pour la génération et l'éducation des enfants en même temps que pour la même vie domestique, il constitue évidemment une union en vertu de laquelle l'homme est appelé le mari de l'épouse, et la femme l'épouse du mari. L'union des corps et des âmes en est la conséquence. 2. Le mariage a-t-il été nommé comme il convient? Il y a trois choses à considérer dans le mariage, d'abord son essence, qui consiste dans l'union, et de là vient qu'il est parfois appelé l'union conjugale. Ensuite sa cause, qui est la cérémonie où on le contracte, sous ce rapport, on lui donne le nom de noces, du verbe latin nubo, parce que, dans la solennité des épousailles, on met un voile sur la tête des époux. Enfin les enfants qui en doivent naître, et on l'appelle pour cela mariage, du mot latin matrimonium, qui fait entendre que la femme, en se mariant, ne doit pas, comme le dit saint Augustin, se proposer autre chose que de devenir mère. Et, en effet, le mot matrimonium peut se décomposer ainsi, matris munium, charge de la mère, qui doit élever l'enfant, matrem muniens, Étymologie qui indique que la femme a dans son mari un protecteur et un défenseur, matrémonens. Autre sens qui avertit l'épouse de ne point abandonner son mari pour s'attacher à un autre homme. On voit que les divers noms du sacrement de mariage ne manquent point de convenance. 3. Le mariage a-t-il été défini comme il convient? Nous l'avons dit, il y a trois choses à considérer dans ce sacrement, sa cause, son essence et son effet. Hugues de Saint-Victor, indiquant la cause, disait « Le mariage est le consentement légitime que se donnent deux personnes pour l'union maritale. » Le maître des sentences, signalant l'essence, a donné cette autre définition « Le mariage est l'union indissoluble d'un homme et d'une femme, union qui, contractée entre des personnes aptes, les oblige à vivre dans une seule et même société. » Enfin, au point de vue des effets, la troisième définition se formule ainsi, le mariage est une communauté de vie, réglée d'après le droit divin et le droit humain. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.